J'entends des vertes et des pas mûrs. Il fallait que j'y mette un terme. Après 9 mois te voilà. Tu seul sais que j'ai galéré. Entre les hauts et les bas, entre vie privée et humaine. Est-ce que j'y arriverai? Je ferai tout pour te protéger. J'ai le plus bel espoir qui nous est arrivé. Notre premier regard, ça non jamais je l'oublierai. Ni le beau moment où tu m'appelles maman. Enfant, tu sais, le bonheur, même si pour moi c'est nouveau. Je ne te laisserai jamais seule, quitte à me mettre le monde à dos. Avant toi, je ne savais pas que j'étais prête à tout. À la chair de ma chair, c'est pour toi que j'irai jusqu'au bout. Rien sans toi, non, non, non, non, non, non, pas sans toi. Sans toi, non, non, non, non, non, non. Forte, je me dois de l'être. Fière de toi et ton père à trois. On est complémentaires. Ouais, j'ai changé de vie. Maintenant tout pour mon fils. Mais je reste la mère. J'aurais tellement aimé que tu vois mon père. Je suis son bébé qui a donné la vie. Les deux avant toi, je voulais pas les perdre. Par la grâce de Dieu, j'ai eu Tibris. Enfant, tu sais, le bonheur, même si pour moi c'est nouveau. Je ne te laisserai jamais seule, quitte à me mettre le monde à dos. Avant toi, je ne savais pas que j'étais prête à tout. À la chair de ma chair, c'est pour toi que j'irai jusqu'au bout. Facile. Merci à tous ceux qui avaient compris mon absence et l'espoir d'une nouvelle vie. Merci à mon mari qui m'a donné le plus beau cadeau du monde.